بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue aux chers frères et sœurs. Aujourd'hui inshallah ta'ala on va finir le sous-chapitre lié au tashahhud. Aujourd'hui on va finir le sous-chapitre lié au tashahhud. Juste avant le sous-chapitre lié au witr, qu'on va commencer la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Fayaqulu al-mu'allif rahimahullah wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que Abu Bakr radiyallahu anhu a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une invocation que je puisse faire durant ma prière. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ô Allah, je me suis fait injustice à moi-même de façon profonde. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Et seul toi pardonne les péchés. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Alors pardonne-moi d'un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafurur rahim. Tu es certes le pardonneur, le tout miséricordieux. فهذا الحديث أيها الإخوة كالحديث السابق فيه دعاء عظيم ومهم. Ce hadith, ô chers frères et sœurs, comme le hadith précédent, contient une invocation très importante. Il est important de méditer sur cette invocation. Je sais, certains vont me dire, Abdul Karim, nahnu fi dars, nata'allam al-ahkam. Abdul Karim, on est dans un cours, on apprend les règles, le fiqh. Je leur dis, na'am. لكن هذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة. Je leur dis, na'am, bien sûr, cependant ces ahadiths contiennent beaucoup de leçons très importantes. Nous avons besoin de ce genre de rappel, car nous sommes faibles. فإن في هذا الحديث إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم. ظلم الإنسان لنفسه. Il y a dans le hadith le fait d'informer que les péchés ne sont que des injustices, l'injustice que l'être humain se fait à lui-même. Lorsqu'il va pécher, comme l'a dit le Cheikh An-Najmi rahimahullah. فهذه الذنوب التي يقوم بها الإنسان ظلم شديد. Et donc ces péchés que l'individu va accomplir sont en réalité une grosse injustice. Il se fait injustice à lui-même. وكان هذا الأمر معروفا عند الصحابة أن الناس كلهم يقعون في الذنوب ويظلمون أنفسهم. Et cela était connu chez les compagnons que tout le monde tombe dans les péchés. Tout le monde pêche. Et que tous se font justice. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas mélangé leur foi avec quelconque injustice, alors ceux-là sont ceux qui auront la sécurité et sont les bien guidés. Ils n'ont pas mélangé leur foi avec quelconque injustice. فالصحابة لما سمعوا هذه الآية شق ذلك عليهم. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ce verset, cela a été difficile pour eux. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. Ils ont dit au messager d'Allah, lequel d'entre nous ne fait pas injustice à lui-même, lequel d'entre nous ne pêche pas, qui? Et donc c'était connu chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré que ce qui est voulu ici, dans ce verset, de façon spécifique, c'est al-dhulm al-akbar, la grande injustice, al-shirk. Inna al-shirk al-dhulm al-azim. Certes, le polythéisme est une forte injustice. Wa kadhalika fi hadha al-hadith al-ikhbar بأن العباد كثيرا ما يقعون في الذنوب. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les serviteurs, ils tombent beaucoup dans les péchés. C'est pas ils tombent dans les péchés, c'est ils tombent beaucoup dans les péchés. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, je me suis fait injustice à moi-même, d'une grande injustice. Et de nombreuses injustices. Kéthiran. Et donc, l'être humain tombe beaucoup dans les péchés. Fayan barilahu an yukurra bidafihi. Il est impératif que l'être humain admette sa faiblesse. Et dans sa pleine pas d'orgueil, il revienne repentant vers son Seigneur. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata. Tous les enfants d'Adam, tous les enfants de Adam font des péchés. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Pas comme certains qui sont encore dans les péchés et qui te disent on se fait qui ne tombe pas dans les péchés. Et en fait, ils te disent cette parole, le fait qu'on tombe tous dans les péchés, ils te disent cette parole pour continuer les péchés. Non, il faut que tu arrêtes. Utruk hadha. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Tu dois te repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a en cela aussi les éloges. Les éloges faits à ceux qui se repentent. Les éloges faits à ceux qui se repentent. Quel bel acte d'adoration! Le fait de revenir vers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, repentant, regrettant tes actes. Alhamdulillah, tous ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a permis de se repentir et de délaisser ce sur quoi ils étaient, ceci est un très grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَلَعَبْدُ قَدْ يَقَعُ فِي الذُّنُوبِ وَذَلِكَ بِتَكْسِيرِهِ فِي الْوَاجِبَاتِ. Et donc l'être humain peut tomber dans les péchés, et ceci lorsqu'il va faire preuve de négligence dans les obligations. Et on a beaucoup de négligence dans nos actes d'adoration. Fait quand du akhiru es salat, il se peut qu'il fasse tarder la prière. Ou quand yakoumu biha la wajhin ghayri la'iqin. ou il se peut qu'il accomplisse cette prière d'une façon qui ne soit pas convenable. Ce n'est pas comme ça qu'il lui a été demandé d'accomplir cet acte d'adoration. Il se peut qu'il soit touché par l'ostentation durant cet acte d'adoration. Feladou, quand le Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, ولهذا فإن العبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تكسير في واجب أو وقوع في ذنب. Il dit, c'est pour cela que le serviteur, le Cheikh Al-Najmi, il dit, rahimahullah, et c'est pour cela que le serviteur, durant tous les instants de sa vie, ne se passe sans qu'il y ait une négligence dans les actes d'adoration, dans les obligations, ou alors le fait de tomber dans des péchés. Voilà pourquoi il est impératif aux serviteurs d'Allah de nous repentir, de délaisser les péchés, de nous efforcer, d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala et d'admettre que nous faisons beaucoup de péchés. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Mais une question se pose, à quel moment on fait cette invocation ? Meta yad'u al-'abdu bi hadha ad-du'a ? Fa'innahu lam yuzkar fi al-hadith. À quel moment est-ce qu'on fait cette invocation ? Car certes, cela n'a pas été cité dans le hadith. Abu Bakr qui nous dit qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 'allimni du'a'an ad'u bihi fi salati. Enseigne-moi une invocation que je puisse faire durant ma prière. Il n'a pas précisé quand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé quand. المؤلف ذكر هذا الدعاء في هذا الباب إشارة إلى أن الأولى هو أن يكون هذا الدعاء بعد التشهد. L'auteur, رحمه الله, il a cité ce hadith dans ce sous-chapitre, le sous-chapitre lié au tashahud, pour montrer ici, cela qui montre que ce qui est mieux peut-être, c'est que l'individu fasse cette invocation après le tashahhud. وقد ذكر العلماء أن الأولى والله أعلم أن يكون هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد. Et certes, les savants, ils ont cité qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils ont cité que le mieux, c'est que cette invocation se fasse durant la prosternation. Durant la prosternation ou alors après le tashahhud. En ce qui concerne la prosternation, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, en ce qui concerne la prosternation, alors efforcez-vous, faites des efforts dans l'invocation. فَأَقْرَبُوا مَا يَكُونُ لَعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ. Car certes, le serviteur, il est plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Et après le tashahhud, le hadith qu'on a vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَلْيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Alors qu'il choisisse après cela, c'est-à-dire après le tashahhud, l'invocation qu'il désire. Et donc le mieux, wallahu a'lam, c'est que l'individu fasse cette invocation, cette belle invocation et très importante invocation, donc après le tashahhud ou durant la prosternation. وكذلك قال المؤلف رحمه الله. Et l'auteur il nous dit aussi, donc le dernier hadith de ce sous-chapitre, qu'il nous dit, عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Et donc Aïcha رضي الله عنها qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas accompli une salat après la révélation de la parole d'Allah Ida ja'a nasrullahi wal fath. Surat al-Nasr, lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire. Il n'a pas accompli cela, il n'a pas prié après la révélation de ce verset sans qu'il dise Subhanaka Allahumma, Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. فيؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أولا أهمية هذه السورة. On comprend dans ce hadith, oh mes frères, l'importance premièrement de cette sourate, sourate Al-Asr, sourate Al-Nasr, Afwan. Et donc, cette sourate, elle est très très très importante. Les savants, ils ont cité parmi les profits de cette sourate, les leçons importantes. Le fait qu'il y a dans cette sourate, il y a dans cette sourate Bisharaten, deux bonnes nouvelles qui sont annoncées. Premièrement, Al-Nasr, le secours. Le secours, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala yansuru al-mu'minin, il secourt les croyants, va leur donner la victoire, l'ouverture, la conquête de la Mecque. Et la propagation de la religion. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ. Et que tu vois les gens rentrer en vague, en masse, dans la religion d'Allah. Et donc tout cela, Allah Azza wa Jal l'avait déjà annoncé. Et cela continue. Les gens qui rentrent en masse dans la religion d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, cela fait partie, oh mes frères et sœurs, ce verset que nous connaissons tous pour la plupart, cela fait partie des signes que cette parole est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah nous informe de choses et que ensuite ces choses arrivent dans le futur. Allah Ta'ala a révélé cette parole et ensuite, après cela, effectivement, les croyants ont récupéré la Mecque. Ils ont eu le dessus, ils ont eu la victoire. La religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est propagée en masse jusqu'à ce qu'elle arrive, cette belle religion, dans le pays dans lequel nous sommes. Dans le pays dans lequel nous sommes, malgré tous les péchés, toute la corruption, toute la perversion qu'il y a dans ce pays. Malgré tout ça, l'islam est arrivé dans ce pays jusqu'ici. Subhanallah. Subhanallah. Et ça, on le verra, inshallah ta'ala, dans les répliques sur les chrétiens. Des annonciations, des annonces qui ont été faites dans la Bible. Jésus, donc, il est cité que Jésus a annoncé un événement qui devait se produire avant la mort de ses apôtres. Avant la mort de ceux de sa génération. Et que cet événement ne s'est jamais produit jusqu'à ce jour. Ça, c'est une preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et donc tout ça, on le verra, inshallah ta'ala, en détail dans les livres, dans les répliques sur les chrétiens, inshallah ta'ala. Ce ne sera pas ici dans le cours de Umdat al-Ahkam. Il y avait aussi dans cette sourate Al-Nasr, l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque viendra le secours d'Allah ainsi que la victoire. Les compagnons ont compris de cela la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était annoncée. Après la victoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera rappelé vers son Seigneur. وكذلك في هذا مشروعية الضم بين التحميد والتسبيح. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est légiféré de rassembler entre التحميد la louange et et tasbih, la glorification, le fait de dire subhanallah et le fait de dire alhamdulillah. J'ai déjà abordé ce sujet précédemment. La parole de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Souvent, je l'ai cité. Le fait que l'individu, lorsqu'il va prononcer ces deux paroles, Subhanallah wa Alhamdulillah, il va répliquer à tous les groupes qui se sont égarés dans les noms et attributs. Tous. Parce qu'avec la parole Subhanallah, tu rejettes ce qui ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de ressembler à ses créatures ou autres. Et le fait de dire Alhamdulillah, tu vas affirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu loues Allah par rapport à ses noms, par rapport à ses beaux noms, ses attributs. Voilà pourquoi Cheikh al-Islam il dit, donc si vous rejetez les attributs d'Allah Azza wa Jal, vous le louez par rapport à quoi? Vous le louez par rapport à quoi? Et donc, cette parole, le fait de rassembler ces deux actes d'adoration, cela est recommandé. Al-Tahmid wa al-Tasbih. Wa kadhalika fi hadha al-hadith isharatun ila amrin muhim wa huwa anna al-umur الفاضلة تختم بالاستغفار. Il y a dans ce hadith le fait que les choses louables se terminent par l'istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon. Et donc, le serviteur qui fait la louange de son Seigneur, qui prône la gloire de son Seigneur et qui ensuite il demande le pardon. Car les actes de bonté, il est recommandé qu'ils soient terminés par le pardon. Comme on fait pour la salat. Après avoir terminé la salat, on fait l'istighfar pour le hajj. Tu fais l'istighfar. Et donc, il est important que nous n'oublions pas cela. Car il se peut que ton acte de piété que tu accomplisses, tu aies des manquements dans celui-ci. Alors implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ces actes que tu fais. Et c'est aussi de là que les savants, ils ont tiré la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'annonce de la mort du prophète dans le verset de sourate An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ils ont dit donc la vie du prophète est une vie noble, elle touche à sa fin et donc il lui est demandé de faire l'istighfar, de demander pardon. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع القرآن. Et aussi on prend dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il suivait le Coran. Car le prophète il faisait donc cette invocation durant la prière Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma aghfirli. Il faisait cette invocation après que ce verset soit, après que cette sourate soit révélée. Et donc, il suivait le Coran, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui nous concerne, Allah al-Musta'an, est-ce qu'on ouvre le Coran? Est-ce qu'on l'ouvre dans la journée? Est-ce qu'on le lit, le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Combien de semaines peuvent passer sans qu'on le lise? Et pourtant, ce rappel, on se le fait régulièrement. Nous devons absolument nous réveiller concernant ce sujet. On ne peut pas délaisser le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, on dit, je suis le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais comment tu fais pour suivre le Coran alors que tu ne le lis pas? Il faut m'expliquer. Comment on fait? Et cela nous rappelle la parole de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle fut interrogée concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement était le Coran. Donc il n'y a rien d'étonnant quand on voit tout ce qui se passe dans la communauté, tout ce qui se passe, les problèmes qu'il y a entre individus, dans des couples et autres, la division, il n'y a rien d'étonnant quand on voit le fait qu'à la base, le Coran, on ne le lit pas. À la base. Donc forcément, comment est-ce que vous voulez qu'on ait un khuluq, un comportement qui soit louable, le comportement qui soit tiré du Coran? Et donc nous devons faire des efforts par rapport à ça, chers frères et sœurs. On va arrêter, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bi'idnillah, on commence Babul Witr, le sous-chapitre lié au Witr. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et le sujet du witr aussi est un sujet très très important à méditer, qui est souvent négligé. وجزاكم الله خيرا.